juste pour à suivre, mais je ne veux pas dévoiler nos stratégies. On connaît bien qu'est-ce qu'on a en tête. Non, c'est intéressant parce que ça fait discussion aussi à l'intérieur des organisations sociales. Je dois dire que je suis assez d'accord avec la position du gouvernement français. Personnel. Non, c'est que il y a deux manières d'approcher la question de souveraineté alimentaire. D'abord, souveraineté alimentaire, ce n'est pas par rapport aux États, c'est d'abord la souveraineté alimentaire du peuple. Donc, c'est de l'approcher en termes généraux. C'est un peu comme l'histoire du bocage. Est-ce qu'on parle de l'approche bien immatérielle, l'UNESCO, ou on parle de la défense, protection, soutien à des systèmes agricoles dont le bocage fait partie? Et moi, je pense que par rapport à la souveraineté alimentaire, on voit la stratégie qui jusqu'à là, mais je crois que c'est assez clair. Certains gouvernements plus éclaircis l'ont compris. On est en train d'élaborer les composantes essentielles. L'accès à la terre était le début fondamental. Maintenant, c'est les investissements parce que ça nous permet de discuter un peu du mode de production. Après, tôt ou tard, ça sera les semences. Parce que celle-là, c'est avec la terre le cœur du mode de production. Et comment on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, c'est fondamental. Et là, il y a une partie des droits. Mais là, j'ai ma question que j'avais oubliée avant. Je suis bien d'accord, c'est que vous venez de dire, les juristes, ils ont un cadre et ils doivent référer à ça. Mais d'emblée, par exemple, comment vous transformez à législation nationale, à cadre juridique national, la mise à l'implémentation de l'article 9 du traité sur les ressources génétiques qui établit un nouveau droit, hein, les droits des paysans sur les ressources génétiques. Ça n'existait pas. Et encore pour connaissance personnelle, je vais vous dire comment on a écrit ce texte, de où c'est venu. C'est venu, a été proposé dans une négociation très bizarre avec l'ambassadeur du Mexique, Pepe Esquinas, grand bonze des ressources génétiques à l'EFAO, donc l'EFAO dans son composant technique, un petit noyau d'organisation non gouvernementale, c'était vraiment des ONG dans ce temps-là. Le tout faisait 10 personnes. C'est là qu'on a dit, il faut quelque chose qui correspond, et la réponse était toujours la même. Et il n'y a pas un droit, c'est écrit nulle part. Et c'est là qu'on a dit, ben on l'écrit. Et finalement, ça a été écrit. Et c'est bien, c'est dans un traité international. Donc maintenant, c'est l'implémentation et une des actions qu'on envisage de voir, par exemple, c'est la nouvelle législation semencière européenne. Contredit ce droit fondamental. Et si ça contredit, on va en cour de justice. Parce que l'Europe a signé les traités.